Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Citizen Kane, le chef-d'œuvre d'Orson Welles. C'est sans doute le film qui, dans toute l'histoire du cinéma, est le film qui est responsable d'avoir suscité le plus grand nombre de vocations de metteur en scène. L'historien et homme de théâtre Jean-Claude Germain, qui évoque à l'émission L'Aventure en 1987 l'immense importance qu'aura le film Citizen Kane dans l'histoire du cinéma. Aujourd'hui encore, Citizen Kane est considéré comme le meilleur ou l'un des meilleurs films de tous les temps. Orson Welles n'a que 25 ans quand il tourne ce film. Citizen Kane est un film d'exception par sa qualité cinématographique et son caractère avant-gardiste, mais aussi par les circonstances qui entoureront sa production. Ladies and gentlemen, I don't know what you'll think about Mr. Kane. I can't imagine. You see, I play the part myself. Well, Kane is a hero and a scoundrel, a no-account and a swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane? I wish you'd come to this theater when Citizen Kane plays here and decide for yourself. Orson Welles, en 1941, qui nous invite lui-même dans la bande-annonce de Citizen Kane à venir voir son film. Déjà, la bande-annonce, même à l'époque, est atypique et ça nous en dit beaucoup sur ce film-là. Je le disais il y a un instant, film d'exception à plusieurs égards. Pour nous raconter la fascinante histoire de ce film, je reçois la critique de cinéma Hélène Faradji, qui est également rédactrice en chef du webzine revue24images.com. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. C'est un grand film. Je le disais à l'instant, on continue de penser, de dire souvent que si ce n'est pas le plus grand film de l'histoire, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pourquoi Citizen Kane est un si grand film? Il y a plusieurs raisons qui expliquent la présence de Citizen Kane en haut d'à peu près tous les palmarès. Effectivement, il y a d'abord le fait que ce soit un premier film. C'est-à-dire que Orson Welles arrive, il débarque à Hollywood et il prend littéralement d'assaut le cinéma américain avec ce film-là. Il change les règles complètement. On ne fera plus du cinéma après Citizen Kane, comme on en faisait avant. C'est un tournant, vraiment. C'est un tournant absolu parce qu'il va radicaliser l'usage du flashback, par exemple, les ellipses, les mises en abîme. Il le fait d'ailleurs juste dans la bande-annonce, tout simplement. Tous les effets qu'il utilise existaient avant. Mais, par contre, ils n'avaient pas été utilisés ensemble. Donc, c'est cette espèce de réunion d'effets de style, d'inventivité, de trucs, d'astuces qui vont faire que Citizen Kane va véritablement marquer l'histoire. Jamais, vous me corrigerez, mais jamais on avait vu un film aussi cinématographique. Non, absolument. Orson Welles, ce qu'il va faire, en fait, c'est faire du style une caractéristique fondamentale du cinéma. Avant, le style existait, évidemment. On est en 1941 quand le film sort et c'est l'ère du grand cinéma classique hollywoodien. Mais ce grand cinéma classique hollywoodien, il est d'abord et avant tout marqué par la transparence. Donc le style est mis au service du récit, de l'histoire. Là, Citizen Kane va changer la donne en disant non. La forme du film, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout aussi important que l'histoire qui vous est racontée. Fait partie du récit même de l'histoire. Autre chose assez exceptionnelle, le contexte entourant la production de ce film. Il est très jeune, vous le disiez, c'est son premier film. Il a 25 ans, Orson Welles. Il décroche un contrat. Il a carte blanche. Hollywood, la grande machine hollywoodienne, lui donne carte blanche. Hollywood lui fait la cour, littéralement. On lui a déjà proposé avant de se joindre à Hollywood. C'était la Warner, qui était un des grands studios hollywoodiens. Mais il a refusé parce que ça ne lui laissait pas assez de liberté. Et finalement, c'est RKO, le plus petit des grandes majors hollywoodiennes, qui va l'emporter en lui proposant un contrat absolument exceptionnel. C'est un contrat de 17 mois pour deux films. Un contrat qui lui permet d'avoir le contrôle artistique total. Donc, on lui permet de réaliser... Ce qui n'arrive jamais. En tout cas, qui n'était jamais arrivé jusque-là. C'est complètement inédit. En fait, ce qu'il a à faire, c'est à faire approuver son histoire, l'idée générale, et de ne pas dépasser un budget de $500,000. Ce qui, à l'époque, est quand même assez conséquent. Et surtout, il obtient le fameux Final Cut, le droit de regard final sur le film. Donc c'est lui et seulement lui qui aura le droit de dire si le film est fini ou pas, alors qu'habituellement, ce sont les studios qui avaient ce droit de regard final sur les films. Autre élément intéressant et qui montre, on reviendra sur le parcours d'Orson Welles dans un instant, il n'a encore une fois que 25 ans, il décroche un contrat de fou et il réussit, parce que c'est la grosse machine hollywoodienne, Hélène Faradji, dont on Absolument. Parle, le sujet de son film. Il va dire non, non, non, mais au fond, Citizen Kane est inspiré directement d'un grand mania de la presse, William Randolph Hearst. C'est très, très délicat comme sujet. C'est extrêmement délicat, effectivement. On lui permet de faire ça. Mais Orson Welles a toujours nié. C'est comme ça qu'il s'en sort un petit peu en disant non, non, c'est pas du tout de Hearst dont je m'inspire, mais pourtant les coïncidences sont trop énormes pour qu'on ne pense pas à Hearst, parce que ce personnage de Charles Foster Kane, ben comme Hearst, c'est un propriétaire de médias qui réussit parce qu'il hérite d'abord et avant tout. C'est aussi un type qui va avoir des ambitions politiques ratées, exactement comme le personnage que dessine Welles. C'est aussi quelqu'un qui va se faire construire un château, le Hearst Castle, comme Xanadu dans Citizen Kane. Bref, il y a des coïncidences énormes, mais la façon dont Orson Welles a réussi à se dépêtrer de tout ça, c'est en niant absolument que c'était inspiré de Hearst. Évidemment, Hearst a été assez mécontent de la façon dont les choses se sont passées et il l'a fait savoir au moment de la sortie du film. Et ça aura un impact, on y reviendra, sur la façon dont le film sera reçu à sa sortie. Qui est-il, ce jeune prodige qui réussit à 25 ans à faire la loi à Hollywood? C'est d'abord et avant tout un homme de théâtre. Alors, les premières amours de Orson Welles ne sont pas cinématographiques, elles sont théâtrales. Il naît en 1915 dans le Wisconsin. Sa mère est pianiste et la légende veut qu'elle tenait des salons artistiques où elle recevait toutes sortes de personnalités et que le tout jeune Orson Welles avait le droit de venir à ces salons seulement s'il divertissait les invités de sa mère. Donc, on sent déjà un certain sens du spectacle, etc. On raconte aussi, on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est vrai ou non, mais qu'il a fait ses premiers pas sur la scène de l'opéra dans Madame Butterfly à l'âge de 4 ans. Un tout petit bonhomme qui déjà se mettait en scène comme ça. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il perd sa mère assez jeune, il a 9 ans. Il va tout de suite rejoindre une école où il va apprendre la scénographie, il va jouer Shakespeare notamment. Il va rejoindre le Chicago Art Institute à l'âge de 15 ans à peu près. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'âge de 16 ans, il décide de partir tout seul jusqu'à Dublin, en Irlande, où il va se faire engager par une troupe de théâtre en étant absolument inconnu. Et c'est là qu'il va faire ses débuts sur scène. Il va aussi apprendre à mettre en scène. Il va commencer à écrire. Tout ça pour préparer son retour aux États-Unis à 18 ans. Ouais. Et là, c'est le moment où il va faire son premier court-métrage. Un court-métrage de 5 minutes en noir et blanc, très influencé par l'expressionnisme allemand. Mmh. Donc avec des réminiscences du Nosferatu de Murnau notamment. On voit des personnes qui sont grimées en vieillard et qui parlent de l'âge, du fait de vieillir, etc. Mais finalement, il ne va pas poursuivre dans la voie du cinéma. Il va aller à New York pour commencer à Broadway, où il va jouer dans Roméo et Juliette. Mmh. Et là, les choses vont s'enchaîner assez rapidement pour lui parce que son désir de mettre en scène va s'épanouir de plus en plus à New York et il va se faire remarquer en montant à Harlem un Macbeth entièrement joué par des acteurs noirs. Ah bon ? Ce qui, à l'époque, est quand même très audacieux. Très, très audacieux, effectivement. Et c'est donc sur ces bases-là qu'il va fonder le Mercury Theatre, qui est la compagnie de théâtre qui va le faire connaître. Il va monter à peu près 50 spectacles en 2 ans, notamment un Jules César qu'il va replacer dans l'Italie fasciste. Là encore, il fallait le faire. Ce qui va lui valoir de faire la couverture du Times. Il a 22 ans à ce moment-là. Et il va inaugurer une nouvelle série qui est assez audacieuse aussi, qui s'appelle le Mercury Theatre on the Air. Donc il va proposer à la radio publique CBS de lire des adaptations de grands textes, notamment du Shakespeare et du Dickens. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va faire peut-être un des spectacles radiophoniques les plus connus au monde. On est le 30 octobre 1938, la veille d'Halloween, et il va décider d'adapter La guerre des mondes de Welles à la première personne. Ça, c'est un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, parce qu'en fait, il a eu l'instinct de comprendre que la radio pouvait s'adresser en direct aux auditeurs, et donc il a fait jouer La guerre des mondes comme si tout ça se passait en vrai. Donc avec un récit au jeu, Et ça a créé une panique folle dans l'Amérique de ces années-là. Les gens pensent, en écoutant l'émission, que tout à coup, c'est la guerre. Exactement, que les Martiens arrivent et sont prêts à envahir la Terre. Et c'est ce qui va faire qu'Hollywood repère Orson Welles et lui déroule littéralement le tapis rouge. Voilà donc pour la petite histoire de ce génie, finalement. Revenons à Citizen Kane. On l'a un petit peu évoqué, Hélène Faradji, mais en gros, qu'est-ce que ça raconte, ce film? Alors, ça raconte l'histoire de Charles Foster Kane, qui est, en fait, au moment où le film commence, il meurt. Mm-hmm. Donc, et il prononce un mot, Rosebud, sur son lit de mort. Et toute l'histoire du film va être celle d'un journaliste chargé d'enquêter sur la signification de ce mot. Qu'est-ce que c'est que ce Rosebud, prononcé par un homme qui a tout possédé et qui a tout perdu, un homme richissime, un homme qui a voulu dominer le monde et qui est presque arrivé, mais qui va connaître certaines difficultés dans son parcours. Pourquoi est-ce qu'il a prononcé ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le journaliste va enquêter en rencontrant différentes personnes qui ont marqué la vie de Kane, que ce soit sa seconde femme à qui il a essayé de construire une carrière sur mesure de chanteuse d'opéra, mais ça n'a pas marché, que ce soit son associé principal dans les journaux qu'il a possédé, son meilleur ami qu'il a fini par trahir. Bref, on va à travers les différentes témoignage de tous ces gens-là, découvrir peu à peu qui était Charles Foster Kane. Comprendre à qui on a affaire avec cette structure très, très éclatée. Encore une fois, on est en 1941. C'est un film aussi qui est... La forme, on y reviendra dans un instant, très audacieux, mais audacieux dans sa thématique. C'est donc inspiré du personnage de cette figure réelle de Hearst. C'est un portrait de société que fait Kane, que fait Orson Welles, beau lapsus. C'est un portrait critique du grand capital américain, de la proximité de ces manias de la presse avec le pouvoir politique. Ça va très loin. Ça va extrêmement loin. Effectivement, c'est une critique assez acerbe de ce que c'est que le monde politique, de ce que c'est que le monde journalistique, de comment les accointances entre ces deux mondes-là sont immenses. Ça montre aussi de façon, j'ai envie de dire, shakespearienne, comment la démesure peut causer la chute de ces hommes-là. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui rêvent plus haut que nature et qui finalement vont le payer de leur propre bien-être. C'est une réflexion sur le pouvoir, en fait, comme on en a connu plusieurs au cours des différentes œuvres artistiques. Mais celle-ci, effectivement, s'attaque à quelque chose d'extrêmement actuel. On est en 41. Et le film va même à un moment donné nous montrer Charles Foster Kane sur un balcon à côté d'Hitler. On parle souvent du dictateur de Chaplin comme étant une œuvre extrêmement contemporaine et révolutionnaire dans sa façon de comprendre le réel, le moment dans lequel il émerge. Citizen Kane aussi, vraiment. Le film Citizen Kane d'Orson Welles demeure le meilleur film de tous les temps. Ce film réalisé en 1941 se retrouve à nouveau en tête d'un classement effectué tous les 10 ans par le British Film Museum auprès de 250 réalisateurs et critiques du monde entier. Cela fait 40 ans que Citizen Kane se retrouve premier. Here in Xanadu last week, Xanadu's landlord was laid to rest. A potent figure of our century, America's Kublai Khan. Charles Foster Kane. Un extrait du début du film Citizen Kane et juste avant cette nouvelle, donc en 2002, qui confirmait à nouveau le premier rang de Citizen Kane au classement des meilleurs films de tous les temps. Hélène Faradji, pourquoi, encore une fois, mais peut-être de manière plus... un petit peu plus pointu, pourquoi c'est un si grand film? Ce film-là a été aussi important. Tout est important dans ce film-là. C'est assez difficile de trouver une seule raison. Il y en a beaucoup. D'abord, on a parlé de ces multiples flashbacks par lesquels l'histoire de Charles Foster Kane nous est racontée. Il faut savoir qu'en 1941, le grand Hollywood classique, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire qui part d'un point A, qui s'en va jusqu'à point B. C'est extrêmement linéaire. L'idée, c'est de ne pas perdre les spectateurs. Oui. Orson Welles arrive et dit non, non, on va éclater tout ça, on va raconter les choses de façon différente, on va pouvoir même revenir sur certains bouts d'histoire qu'on commence à raconter. Bref, on va mélanger tout ça. C'est un récit casse-tête, un récit tiroir qui est extrêmement stimulant intellectuellement. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données dans Citizen Kane, mais Orson Welles décide de faire confiance à l'intelligence de ses spectateurs. C'est des choses qui vont être radicalisées par la suite. Par exemple, dans The Killers de Siod Mac, qui est un grand film noir, on va avoir pas moins de 11 flashbacks. Mais on est en 46. Ouais. En 41, cette idée du flashback comme un moteur narratif n'existe pas tout à fait. Il y a aussi le fait que une autre nouveauté, la fin. La fin est extrêmement amère parce que ce mot Rosebud, nous, spectateurs, allons en connaître la signification, mais le journaliste qui enquête n'arrivera jamais à savoir de quoi il s'agit. Mais encore, c'est très moderne. Cette double lecture, celle du film dans le film et la nôtre comme Exactement, spectateur. C'est extrêmement novateur et tout ce film-là apparaît comme un incubateur à nouveautés. Ouais. Que ce soit les acteurs qui sont presque tous à une première apparition au cinéma, c'est tous des acteurs qui viennent de la compagnie de théâtre de Orson Welles. On a aussi les monteurs qui sont à leur première expérience de cinéma et pourtant il s'appelle Robert Wise qui va plus tard réaliser West Side Story et Mark Robson qui va lui réaliser Valley of the Dolls. Le musicien, c'est aussi un débutant mais il s'appelle Bernard Herrmann et plus tard il fera la musique des films d'Hitchcock. Bref, même dans le contexte, tout est nouveau et tout fonctionne. Et sur la forme, c'est vraiment là que le film se démarque. Orson Welles a travaillé avec Greg Toland, qui était un directeur photo à l'époque, qui travaillait avec John Ford. Et ils ont tout révolutionné. Mmh. D'abord, en radicalisant la profondeur de champ. Aujourd'hui, ça nous semble presque banal, une image immense dans laquelle on peut voir l'avant et l'arrière-plan. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, on avait cette idée du cinéma comme une surface presque plane, ouais, où on voyait ce qu'il y avait devant nous, mais pas en arrière de l'image. Donc, encore une fois, un double niveau de lecture, ce qui se passe devant et derrière. Exactement, qu'il y avait toujours des choses cachées, ouais, à aller chercher dans l'arrière du décor. On a aussi ce qu'on a appelé les plans du plafond. Oui. C'est la première fois dans un film américain hollywoodien qu'on voit les plafonds, parce que Orson Welles et son directeur photo décident de faire des contre-plongées quasiment verticales. Et juste par ce simple effet de style, on va écraser, emprisonner les personnages et augmenter l'effet d'angoisse qui est assez fort quand même dans Citizen Kane, parce qu'on suit la chute d'un homme, la chute d'un dieu en tout cas. Et c'est ce qui en fera un classique même, et dans les écoles de cinéma, c'est qu'on va expliquer aux jeunes étudiants des générations et des générations plus tard la fonction, la force, quand vous faites une contre-plongée, que la caméra est par terre et vous filmez le personnage de bas, voici ce que ça donne comme impression, la grandeur, etc. On apprend au fond. On apprend le cinéma avec Citizen Exactement. Kane. Ah oui, absolument. Que ce soit par la profondeur de champ, ces fameux plongées contre plongées, ouais, les trompe-l'œil aussi. C'est un film qui utilise constamment le trompe-l'œil. Par exemple, un des premiers plans, on a l'impression qu'il neige. On se dit, ah bon, c'est le crépuscule d'une vie, etc. Mais non, en fait, c'est Charles Foster Kane qui est en train de regarder à travers une boule à neige. Ouais. Donc c'est plein d'effets comme ça, plein d'astuces, de trucages, de choses qui à l'époque n'avaient jamais été fait. Et comment c'est accueilli donc quand le film sort en 1941? Alors, comment est-il reçu? Le film n'est pas très bien reçu. D'abord parce que tous ces effets de style sont un petit peu déstabilisants pour le public qui ne comprend pas tout à fait ce qu'on lui montre. C'est un résultat de 160 000 $, ce qui n'est pas énorme pour un film qui en a coûté autant. Mais surtout, il y a eu cette campagne de William Randolph Hearst contre le film. Ouais. C'est-à-dire qu'il a utilisé tous ses journaux pour boycotter le film. Certaines salles ont aussi refusé de le projeter par crainte des représailles que ce géant médiatique aurait pu leur faire. Bref, c'est un film qui, malheureusement, ne va pas réussir à trouver son public en 1941. Mm-hmm. Par contre, par la suite, les choses vont être réparées. En fait, c'est aux États-Unis, en tout cas, c'est par la télé dans les années 50 qu'on va redécouvrir un petit peu ce film. Absolument, parce que la RKO est le premier studio qui va vendre son catalogue de films à la télévision. Donc, les premiers films qui vont débarquer sur le petit écran vont être ceux de la RKO et particulièrement Citizen Kane. Mais c'est surtout grâce à la France et aux critiques français que Citizen Kane va gagner en estime et en reconnaissance. En 47, en fait, André Bazin, qui est un des plus grands critiques français, va écrire un texte qui s'appelle « Les techniques de Citizen Kane » et dans lequel il va expliquer que ce qui prévaut dans un film, c'est la mise en scène et que Citizen Kane en est l'exemple peut-être le plus parfait. On va rester en France avec une autre grande voix du cinéma français, celle de François Truffaut, le réalisateur, qui parle justement aussi de l'importance de Citizen Kane à l'émission Radioscopie en 1978. Une date charnière qui est la sortie de Citizen Kane, qui est un film qui donnait beaucoup d'espoir, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant c'est un film inimitable, il a été imité, mais enfin, C'est un chef-d'œuvre, c'est le film qui vient tout le temps en tête dans tous les palmarès, chaque fois qu'on veut récapituler un peu l'histoire du cinéma. Mais c'est quand même un film qui, venant d'Hollywood, avait quelque chose d'anti-hollywoodien, qui nous donnait donc une sorte d'espoir, c'est-à-dire on ne pouvait pas penser, en voyant un très beau western ou un beau film policier de War Hawks, on ne pouvait pas penser qu'un jour nous ferions du cinéma. Tandis qu'en voyant Citizen Kane, oui, ça ressemblait aussi à un livre, ça ressemblait à une confidence d'un ami, ça ressemblait à un film de cinéphile. Oui. Je pense qu'on pourrait appeler Citizen Kane le premier film de la nouvelle vague, presque. Mais c'est quand même... Citizen Kane, premier film de la nouvelle vague. Mais c'est pas fou. C'est pas fou parce que Citizen Kane, en fait, s'est élevé contre toutes les règles du classicisme hollywoodien, un peu comme les films de la nouvelle vague se sont élevés contre ce qu'ils ont appelé, eux, le cinéma de papa, avec un peu de mépris. Mais effectivement, il y a dans Citizen Kane cette idée de briser les règles, de refuser les conventions, de faire du cinéma autrement, d'explorer les possibilités du médium. Et c'est effectivement ce que les cinéastes de la nouvelle vague ont fait à leur tour dans les années 60. Le film a marqué Truffaut, qu'on vient d'entendre, mais combien d'autres encore, Hélène Faradji? Est-ce que c'est mesurable l'influence qu'aura ce film Citizen Kane pour la suite des choses? Peut-être pas quantitativement, mais en tout cas, on peut en observer les traces dans un millier de films, si ce n'est pas un million, qu'on pense à Rashomon de Kurosawa, par exemple, qui utilise aussi cette façon de raconter une histoire par différents points de vue qui reconstruiraient l'histoire sous nos yeux. L'utilisation des plans-séquences, la profondeur de champ, c'est tout le cinéma classique, le film noir classique hollywoodien. La profondeur de champ, elle a été explorée aussi bien, par exemple, par quelqu'un comme Paul Thomas Anderson dans There Will Be Blood ou Magnolia, par Scorsese dans Raging Bull. Le fait de raconter une espèce de saga comme ça qui va montrer la grandeur et la décadence d'un homme, c'est The Godfather de Coppola. D'ailleurs, c'est drôle parce que le premier film que voulait faire Orson Welles pour la RKO, c'était une adaptation d'Au cœur des ténèbres, dont le Apocalypse Now de Coppola, mais finalement c'était trop cher pour le studio, donc il a préféré faire Citizen Kane à la place. Mais effectivement, on retrouve tous ces effets de style, cette façon de raconter, cette façon d'envisager le cinéma comme un champ à explorer dans la plupart des films des grands cinéastes contemporains. Il tient encore la route aujourd'hui, Citizen Kane? C'est fou, je l'ai revu la semaine dernière et je ne me suis pas ennuyée une minute. Pourtant, Dieu sait que je vois des films à l'appel au cours de ma pratique. Et ce film-là est absolument passionnant. Il n'y a pas une minute de trop, il n'y a pas un effet de trop. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit, on redécouvre quelque chose ou même on découvre des choses qui nous avaient échappé, justement avec cette profondeur de champ. On peut voir au fond de l'image un journal qui traîne et on fait « Ah tiens, ça c'était déjà présent dans la première scène, etc. » C'est un film magnifiquement construit, c'est un vrai, vrai plaisir pour le spectateur. Hélène Faradji, ça a été aussi un vrai, vrai plaisir de vous recevoir. Vous étiez passionnante. Hélène Faradji, critique de cinéma, rédactrice en chef du webzine revue24images.com. Merci infiniment, Hélène. Merci à vous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.